Ils s'assirent, la tête à l'abri et les pieds dans la chaleur. Ils regardaient toute cette vie grouillante et petite qu'un rayon fait apparaître. Et Jeanne attendrie répétait « Comme on est bien, que c'est bon la campagne. Il y a des moments où je voudrais être mouche ou papillon pour me cacher dans les fleurs. » Ils parlèrent d'eux, de leurs habitudes, de leurs goûts, sur ce ton plus bas, intime, dont on fait les confidences. Ils se disaient déjà dégoûtés du monde, las de la vie futile. C'était toujours la même chose. On n'y rencontrait rien de vrai, rien de sincère. Le monde, elle aurait bien voulu le connaître, mais elle était convaincue d'avance qu'il ne valait pas la campagne. Et, plus leur cœur se rapprochait, plus ils s'appelaient avec cérémonie « monsieur et mademoiselle », plus aussi leurs regards se souriaient, se mêlaient. Et il leur semblait qu'une bonté nouvelle entrait en eux, une affection plus épandue, un intérêt à mille choses dont ils ne s'étaient jamais souciés. Ils revinrent. Mais le baron était parti à pied jusqu'à la chambre de Moiselle, grotte suspendue dans une crête de falaise, et ils l'attendirent à l'auberge. Il ne reparut qu'à 5 heures du soir, après une longue promenade sur les côtes. On remonta dans la barque. Elle s'en allait, mollement, vent arrière, sans secousse aucune, sans avoir l'air d'avancer. La brise arrivait par souffles lents et tièdes, qui tendaient la voile une seconde, puis la laissaient retomber. Flasque le long du mât. L'onde opaque semblait morte, et le soleil, épuisé d'ardeur, suivant sa route arrondie, s'approchait d'elle tout doucement. L'engourdissement de la mer faisait de nouveau taire tout le monde. Jeanne dit enfin « Comme j'aimerais voyager !» Le vicomte reprit « Oui, mais c'est triste de voyager seule. Il faut être au moins deux pour se communiquer ses impressions. » Elle réfléchit. « C'est vrai. J'aime me promener seule, cependant. Comme on est bien, quand on rêve, toute seule. » Il la regarda longuement. « On peut aussi rêver à deux ?» Elle baissa les yeux. Était-ce une allusion ? Peut-être. Elle considéra l'horizon comme pour découvrir encore plus loin. Puis, d'une voix lente, « Je voudrais aller en Italie. » « Et en Grèce ? Ah oui, en Grèce. » « Et en Corse. Ce doit être si sauvage et si beau. » Il préférait la Suisse, à cause des chalets et des lacs. Elle disait « Non, j'aimerais les pays tout neufs comme la Corse, ou les pays très vieux et pleins de souvenirs, comme la Grèce. Ce doit être si doux de retrouver les traces de ces peuples dont nous savons l'histoire depuis notre enfance, de voir les lieux où se sont accomplies les grandes choses. » Le vicomte, moins exalté, déclara « Moi, l'Angleterre m'attire beaucoup. C'est une région fort instructive. » Alors, ils parcoururent l'univers, discutant les agréments de chaque pays, depuis les pôles jusqu'à l'équateur, s'extasiant sur des paysages imaginaires et les mœurs invraisemblables de certains peuples, comme les Chinois ou les Lapons. Mais ils en arrivèrent à conclure que le plus beau pays du monde, c'était la France, avec son climat tempéré, frais l'été et doux l'hiver, ses riches campagnes, ses vertes forêts, ces grands fleuves calmes et ce culte des beaux-arts qui n'avait existé nulle part ailleurs depuis les grands siècles d'Athènes. Puis ils se turent. Le soleil, plus bas, semblait saigner, et une large traînée lumineuse, une route éblouissante, courait sur l'eau depuis la limite de l'océan jusqu'au sillage de la barque. Les derniers souffles de vent tombèrent, toute ride s'aplanit, et la voile immobile était rouge. Une accalmie illimitée semblait engourdir l'espace, faire le silence autour de cette rencontre d'éléments. Tandis que cambrant sous le ciel son ventre luisant et liquide, la mer, fiancée monstrueuse, attendait l'amant de feu qui descendait vers elle. Il précipitait sa chute, empourtré comme par le désir de leur embrassement. Il la joignit, et à peu, elle le dévora. Alors, de l'horizon, une fraîcheur accourut. Un frisson plissa le sein mouvant de l'eau, comme si l'astre englouti eût jeté sur le monde un soupir d'apaisement. Le crépuscule fut court. La nuit se déploya, criblée d'astres. Le perlastique prit les rames, et on s'aperçut que la mer était phosphorescente. Jeanne et le vicomte, côte à côte, regardait ces lueurs mouvantes que la barque laissait derrière elle. Il ne songeait presque plus, contemplant vaguement, aspirant le soir dans un bien-être délicieux. Et, comme Jeanne, avec une main appuyée sur le banc, un doigt de son voisin se posa, comme par hasard, contre sa peau. Elle ne remua point, surprise, heureuse et confuse de ce contact si léger.